Chapitre 6e, la fin de la société secrète. Il ne s'était pas encore écoulé une heure que Joe Thompson ouvrait la porte de la cellule de Nick Carter et entrait. « Le moment est venu, » déclara-t-il. « Êtes-vous prêt, Edward Powell ?» Nick se leva du lit sur lequel il s'était étendu tout habillé et déclara. « Vous l'avouez franchement, je ne me sens pas très en train. J'aurais volontiers avalé une bouteille de whisky pour me donner du cœur, mais j'espère que ça marchera tout de même. Sans doute. » Repartit le criminel, du sang-froid. Une main ferme, mais tout ira bien. Venez. Le détective suivit son guide et rentra d'abord dans la salle des séances, où les membres de la société secrète avaient déjà repris leur place sur les sièges. Nick dut s'avancer encore au centre de l'assemblée, et Joey lui adressa la harangue suivante. Nous allons vous mettre à l'épreuve pour voir si vous nous êtes réellement dévoués corps et âme. Vous êtes chargé d'exécuter le détective Nick Carter, qui se trouve actuellement en notre pouvoir. Vous déclarez-vous prêt à accomplir cette mission ? Le prétendu Edward Powell frémit et baissa la tête. Un profond silence régnait dans la salle, tout le monde avait les yeux fixés sur le néophyte. Enfin Nick proféra d'une voix sourde. « Il faut que je tue un homme ? C'est tout de même un peu trop exigé. Et pourtant vous obéirez. Si vous ne voulez pas partager le sort du détective, levez la tête !» Nick Carter regarda les bandits, et vit qu'ils braquaient tous leurs revolvers sur lui. Un tremblement agita son corps et il murmura avec une résignation accablée. « Il ne me reste pas autre chose à faire, j'obéis. »« Je vous ai d'ailleurs juré fidélité. »« Il s'est prononcé !» dit Joey d'une voix forte, et les revolvers s'abaissèrent. « James Hell !» appela Thompson. Rien ne bougea, on entendit seulement dans le cachot voisin un gémissement étouffé. « Écoutez !» exclama Joe, railleur. « Le mouchard a rabattu son caquet. Il commence à avoir peur. » Il appela de réchef. « James Hell, où êtes-vous? Répondez !» L'autre ne paraissait toujours pas. « Il est sans doute remonté, » observa l'un des bandits. « Approchez-leur, John Berkeley, » dit Thompson. « Ouvrez le mur !» L'homme que le chef de la bande venait d'appeler s'approcha du mur à côté de la porte du cachot et ôta non sans peine une grosse pierre. Il y avait au fond du trou une conduite d'eau avec son robinet. Thompson fit avancer Nick Carter et dit « Si vous tournez ce robinet, l'eau coulera par une ouverture de la voûte dans le cachot du détective, et comme celui-ci est absolument étanche, le niveau s'élèvera peu à peu. Le drôle mourra noyé. Vous venez de l'entendre gémir. Que sera-ce tout à l'heure quand il sentira l'eau monter le long de son corps ?»« Et quand est le temps, s'écoulera-t-il avant qu'il se noie ?» demanda Nick, qui feignait d'être frappé d'horreur. « Oh, deux bonnes heures !» Le détective était rassuré. Le malfaiteur, quoique ligoté, réussirait certainement à se relever contre le mur. Et avant qu'il périsse d'asphyxie, la police aurait le temps de procéder à l'arrestation de toute la bande et de l'arracher à son bain forcé. « Allons, tournez le robinet et faites couler l'eau dans la cellule du condamné à mort !» ordonna Thompson. Nick hésitait encore. « Faut-il réellement qu'il meure ? Et faut-il que ce soit moi qui le tue, je serai son assassin ?» « Obéissez !» cria Joey, en exhibant de nouveau son revolver. « Si vous tardez plus longtemps, je vous brûle la cervelle !»« Eh bien donc, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, j'obéis !» Le détective tourna le robinet, et l'on entendit de l'autre côté de la porte de fer le clapotement de l'eau qui tombait de la voûte sur les dalles. En même temps, le gémissement du prisonnier résonnait de nouveau, s'accompagnait de grognements, de râles affreux, puis des coups violents tonnèrent contre la porte. Le malfaiteur enfermé dans le cachot ne pouvait appeler avec son baillon dans la bouche, mais il avait réussi à se traîner contre la porte et à cogner avec les pieds. Thompson demeurait impassible, les angoisses du prisonnier ne le touchaient pas. « Écoutez comme il geint, » ricana-t-il, « je lui souhaite du plaisir. Il passera avant de mourir par toutes les affres de l'agonie. » Nick était là, dans l'attitude d'un homme qui se sent la conscience lourdement chargée. Il n'eut pas l'air de voir l'un des bandits remettre la pierre à sa place devant le robinet. Quand Joey le prit par le bras pour l'emmener, il se laissa conduire sans résistance, comme en rêve. Les deux hommes, suivis des autres membres de la société, passèrent dans la chambre funèbre où l'on avait creusé une fosse profonde devant la civière sur laquelle Henry Powell était étendu. Joey fit former le cercle autour de la tombe ouverte et dit « Edward Powell, écoutez-moi, vous êtes des nôtres à présent ?» car vous ne valez pas mieux que nous. En tournant le robinet, vous vous êtes rendu coupable d'un assassinat et si vous osiez nous trahir, les juges ne vous épargneraient pas plus que nous. Vous venez de subir votre première épreuve. Pourtant, nous ne vous laisserons pas encore partir. Nous ne sommes pas assez sûrs de vous. Il faut d'abord que vous ayez commis plusieurs autres meurtres avant que nous puissions vous traiter comme l'un des nôtres. » Nick semblait accablé. Il murmurait, hagard. « Je suis un assassin. Je suis voué à l'échafaud. Oh, c'est affreux. À présent, vous pouvez faire de moi tout ce que vous voudrez. Ça m'est égal. Non, laissez-moi retourner. Il est encore temps. Je refermerai le robinet. Restez ici !» ordonna Joey d'une voix tonnante. « Maintenant, nous allons exécuter votre frère et l'ensevelir dans cette fosse que le détective Nick Carter partagera avec lui. » Le maître recula, l'air épouvanté. « Quoi ? » s'écria-t-il. « Vous voulez réellement assassiner mon frère ?»« Nous voulons exécuter le traître !» répliqua Joey. « Vous allez entendre la sentence que les membres de la Société secrète des chasseurs d'or prononcent sur Henry Powell. « Frère, je vous demande quel châtiment vous voulez infliger au traître que voilà. La mort !» repartirent les membres de la société. Vous le voyez, il est condamné à l'unanimité. Rien ne peut plus le sauver. Maintenant, Edward Powell, voici pour vous l'épreuve la plus dure. Vous allez plonger vous-même le couteau dans le cœur de votre frère. Nick poussa un cri. Jamais, je ne le ferai pas. Thompson lui mit un poignard dans la main. Exécutez l'ordre, ou vous serez enseveli ici avec le détective et votre frère. Nous vous infligerons même une peine plus terrible. « Nous enterrerons vivants. »« Mais vous êtes donc des tigres ?» s'écria Nick Carter, exaspéré. Sa froide bravoure commençait à faire place à une juste indignation contre l'abjection de ces criminels. « Obéissez, tuez votre frère !»« Non, jamais !» cria encore Nick. « Saisissez-vous de lui, attachez-le !» ordonna Thompson, furieux. Les bandits voulaient se jeter sur le détective, mais Nick leur cria. « Laissez-moi, je le ferai !»« J'ai déjà commis un assassinat. » « Je peux me charger d'un second. » Les malfaiteurs reculèrent et le détective s'approcha de la civière sur laquelle Henry Powell était couché. Il écarta le drap noir. Le millionnaire avait repris connaissance, mais un bâillon qu'on lui avait enfoncé dans la bouche l'empêchait de proférer le moindre son. Ses yeux grands ouverts se fixaient avec une anxiété mortelle sur le poignard brandi et sur le détective, qu'il prenait aussi pour son frère. Il fit un mouvement convulsif avec la tête comme pour dissuader Edward d'accomplir l'horrible forfait. Le grand détective avait gagné le plus de temps possible. Il ne pouvait plus prolonger le rôle d'Edward Powell. Il fallait agir. « Tremblez, scélérat !» rugit-il soudain d'une voix tonnante. « Vous êtes perdu, car vous avez devant vous Nick Carter !» D'un revers de main, il abattit le cierge qui s'éteignit. Puis il se baissa vivement, saisit d'un bras le corps de Henry Powell et dressa de l'autre devant lui comme un bouclier la civière dont le dessus était formé d'un plateau de bois massif. Cette manœuvre avait été exécutée avec la rapidité de la pensée. Plusieurs coups de feu retentirent, mais ils manquèrent leur but dans les ténèbres. Nick Carter, tenant toujours Powell d'un bras, s'élança vers la porte. Son plan réussit. Dans le premier moment de désarroi, les bandits se bousculaient sans savoir ce qu'ils faisaient. Le détective put sortir dans le couloir et jeta par terre Henry Powell attaché. Puis il repoussa la porte de fer, mais il ne put la fermer. Le premier de ses adversaires, qui voulait justement sortir, fut pris entre le battant et le cadre de la porte. Un terrible combat s'engagea. Nick s'arc-boutait avec les épaules contre la porte de fer et appuyait les pieds contre la paroi opposée. Les bandits se jetaient à plusieurs à la fois contre la porte et ne réussissaient pourtant pas à vaincre la résistance du maître. Le scélérat qui était pris dans l'ouverture et sentait ses os craquer sous la pression formidable de Nick Carter poussait des hurlements de douleur. Tantôt il jurait comme un possédé, tantôt il implorait grâce d'une voix lamentable. Dans la chambre funèbre, les bandits furieux rugissaient et tempêtaient. De temps à autre, une main passait par l'entrebâillement avec un revolver pour essayer de tirer sur le détective, mais les scélérats ne pouvaient viser et manquaient leur but. Nick savait que les secours allaient arriver d'un instant à l'autre. Il sentait pourtant avec inquiétude la fatigue paralyser peu à peu ses forces de géant. Il essaya d'intimider ses adversaires en tirant à son tour par l'entrebâillement contre ceux qui poussaient la porte. Des cris de douleur et de rage et un arrêt momentané de la poussée lui prouvèrent que ses balles avaient porté. Il y eut un instant de silence, puis les coquins revinrent à l'assaut. Nick Carter rassemblait ses dernières forces pour résister, mais il appelait de tous ses vœux de checker la police. Les secours arrivèrent enfin, des lumières brillèrent dans la cave, des pas résonnèrent dans l'escalier. « Tiens bon, Nick, nous voilà !» crie la voix de Chick. Les policemen arrivèrent en courant par le couloir, Jake McCluskey en tête. Alors le grand détective s'écarta brusquement, la porte de fer s'ouvrit avec violence et plusieurs bandits, entraînés par leur élan, roulèrent dans la galerie. Les policemen leur passèrent sur le corps et s'engouffrèrent dans la salle funèbre, en éclairant la scène avec leurs lanternes électriques. Après une courte mêlée sanglante, les misérables furent tous mis à la raison. La plupart d'entre eux, sachant bien qu'ils allaient au-devant d'une condamnation à mort s'ils étaient faits prisonniers, avaient opposé une résistance désespérée. Quand on leur avait passé les menottes, ils essayaient encore de donner des coups de pied et de mordre. Lorsqu'on les eut tous enfin réduits à l'impuissance, les uns tombèrent dans un silence morne, tandis que les autres proféraient des menaces et des injures. Ils lançaient des regards chargés de haine au grand détective, qui les avait vaincus par sa perspicacité, son audace et sa force prodigieuse. Le maître, il s'en apercevait, considéra en souriant les malfaiteurs enchaînés. « Je sais bien, gentlemen, que si le regard pouvait tuer, je ne serais déjà plus qu'un cadavre, mais votre rage ne vous sert plus de rien. Vous auriez dû être plus perspicace quand je me suis introduit parmi vous, sous le masque de l'honorable Monsieur Edward Powell. Vous croyez me tenir dans votre cachot à noyer les rats. Mais en réalité, c'était mon cousin Chick que vous aviez fait prisonnier. Je l'ai d'ailleurs délivré pour mettre à sa place votre fameux bourreau, James Hell. Rassurez-vous, ce dernier ne se trouvera pas mal de son bain forcé. Ça lui rafraîchira les idées. » Des hurlements de rage répondirent à ces déclarations. Les criminels essayaient convulsivement de se débarrasser de leurs liens. Ils étaient exaspérés, eux qui s'étaient crus invincibles, de se voir couchés sans défense, pieds et poings liés, devant Nick Carter. Deux des policemen étaient grièvement blessés, l'inspecteur McCluskey avait reçu lui-même un coup de feu à l'épaule. Chick saignait d'une éraflure à la joue gauche. Nick Carter était indemne. Quant aux malfaiteurs, il y en avait trois de morts. Six agisaient grièvement blessés, y compris Joy Thompson, qui avait été pris dans la porte. Le misérable se tordait de douleur, ses traits étaient convulsés, une écume sanglante lui montait aux lèvres. « Il était temps, » dit Nick Carter en délivrant Henry Powell de ses liens. « Je ne pouvais plus résister à l'assaut des scélérats. »« Chien !» gronda Joy Thompson. Par égard pour son état, on ne l'avait pas attaché. On s'était contenté de lui prendre ses armes. « Chien !» répéta-t-il. « Tu ne dois pas triompher. Je t'étranglerai de mes propres mains. » Le misérable, le visage révulsé par la souffrance, essaya de se lever, mais il retomba en rugissant de douleur. « Maudit sois-tu, démon » cria-t-il à Nick. « Tu n'es pas un homme, mais une créature sortie de l'enfer. Si jamais je recouvre ma liberté, mon seul et dernier but sera de me venger de toi. Je te réserve une horrible fin. » Nick Carter s'avança et regarda gravement le blessé. « Joy Thompson, » dit-il d'une voix solennelle, « songez plutôt que l'heure de votre mort approche. Vous allez comparaître devant le juge suprême. S'il reste encore au fond de votre cœur une étincelle de bons sentiments, faites un retour sur vous-même, repentez-vous. » Le scélérat s'était tu au son de cette parole sévère. Il pressa en gémissant les mains sur sa poitrine, mais ne dit plus rien. Powell était libre. Ses membres engourdis refusaient de le servir, et après tant d'émotions, il s'évanouit. Nick Carter, accompagné de McCluskey et de Chick, passa dans la salle des séances, il ôta la pierre du mur et ferma le robinet. Quand il ouvrit la porte, l'eau jaillit en grondant et entraîna James Hell, qui s'était redressé contre le bâton de fer, pour échapper le plus longtemps possible à la noyade. Le malfaiteur était effrayant à voir. Sa figure était livide, les yeux lui sortaient de la tête. On lisait encore sur sa mine les affres qu'il avait subies. On lui ôta son bâillon, on trancha ses liens mouillés. Il ne songea pas à résister, il était trop abattu. Tandis qu'on lui passait les menottes, il fixait toujours ses yeux hagards sur la porte du cachot avec une expression d'horreur sans bornes. Il songeait qu'il était resté là une heure et avait senti l'eau monter lentement, implacablement, le long de son corps, lui apportant la mort. Lorsqu'il aperçut Nick Carter, il recula en frémissant. Il reconnaissait le grand détective qui s'était débarrassé de sa fausse barbe et de sa perruque. « Vous avez mis à mort tant de malheureux, » lui dit sévèrement le maître. « Vous savez maintenant par expérience ce que sont les affres de l'agonie. » James Hell ne répondit pas. Son horreur n'était pas encore dissipée. C'est seulement plus tard, dans sa prison, qu'il laissa éclater sa fureur. Alors il tempêta comme un énergumène, cogna des poings et des pieds contre les murs et contre la porte, jusqu'au moment où ses forces l'abandonnèrent. il tomba dans le sommeil de l'accablement pour subir en rêve de nouvelles affres. Ainsi toute la bande était prise. Pas un des malfaiteurs n'avait réussi à s'échapper. Les domestiques, surpris par l'arrivée inopinée de la police, n'avaient pas eu le temps de se défendre. Le précieux mobilier de la maison et les sommes importantes qu'on trouva dans le repaire servirent à dédommager en partie ceux auxquels on avait extorqué de l'argent. Ce ne fut naturellement qu'une faible consolation pour les familles, dont un des membres était tombé victime des bandits. Chick Carter avait pu sortir de la maison sans être remarqué. Il était arrivé juste à temps avec McCluskey et les policemen. Les scélérats furent livrés à la prison des Toms et leur procès jugé quelques semaines plus tard. On établit que les bandits pratiquaient plus particulièrement le vol et le chantage, mais ne reculaient pas devant un assassinat pour atteindre leur but ou détourner un danger. Les crânes exposés dans la cave provenaient d'un ancien cimetière où les malfaiteurs avaient été les déterrer. 5 assassinats furent relevés en tout à la charge de la bande. Ils valurent une condamnation à mort à une partie des accusés qui finirent leur jour sur le fauteuil électrique. La peine capitale fut prononcée en particulier contre James Hell, déjà recherché par la police pour d'autres crimes. Le misérable passa pour la seconde fois par les affres de la mort. Joy Thompson, le chef de la bande, mourut dans des souffrances atroces à l'infirmerie de la prison quelques jours après son arrestation. Nick Carter, en le serrant dans la porte, lui avait brisé les côtes et causé de très graves lésions internes. Quant à Henry Powell, il était débarrassé de ses terribles ennemis. Il recouvra bientôt toute sa tranquillité d'esprit et sa bonne humeur. Il garda, ainsi que sa sœur Helen, une immense reconnaissance pour le grand détective. Nick et Chick Carter reçurent la prime offerte par Helen Powell et la gloire du célèbre policier fut rehaussée d'un nouvel éclat. Ainsi s'achève, 2 gouttes de sang, une aventure du grand détective américain Nick Carter.